La petite fille et les champignons. Histoire vraie. Deux petites filles s'en revenaient à la maison, rapportant des champignons. Elles devaient traverser la voie ferrée, et croyant la locomotive très éloignée, elles grimpèrent sur le talus et s'engagèrent sur la voie. Soudain, on entendit le sifflet d'un train. L'aînée revint en arrière, et la plus jeune courut en avant. L'aînée alors lui cria: « Ne retourne pas en arrière !» Mais la machine, en avançant, faisait tant de bruit que la petite fille n'entendit pas ce que lui disait sa sœur. Elle comprit au contraire qu'elle lui ordonnait de revenir. Elle revint donc sur ses pas et trébuchant, elle tomba sur les rails où elle éparpilla les champignons qu'elle voulut ensuite ramasser. La machine approchait de plus en plus vite et le mécanicien sifflait désespérément. L'aîné cria: Laisse les champignons !» Mais la petite, croyant qu'elle lui disait de les ramasser, resta accroupie sur la voie. Le mécanicien ne put arrêter la machine et le train passa sur l'enfant. L'aîné pleurait, criait, tous les voyageurs étaient aux portières et le conducteur courut à la dernière voiture pour voir ce que la petite fille était devenue. Quand le train fut passé, on la vit d'abord étendue immobile entre les rails, la tête inclinée. Puis le train s'éloigna et l'enfant, relevant la tête, se mit à genoux, finit de ramasser ses champignons et après courut vers sa sœur.